Évariste Ndikomanyanga. Elika Doga sur la mise en onde, bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiro à ce journal, édition de la mi-journée de ce dimanche 3 mai 2020. Donc voici d'abord l'essentiel. Six partis politiques sont en lice en province Changhuzhou pour y battre la campagne électorale. Les habitants de cette province demandent la construction des routes reliant cette province à la Tanzanie. La réponse de Douguassa Gaton, candidat du CNL qui était ce samedi en commune Kigamba, a promis de se pencher à cette question une fois élu président. À une journée de la fin de la distribution des cartes d'électeurs, les bénéficiaires de ces cartes en commune urbaine de Mukasa viennent à compte-goutte, comme nos confrères l'ont constaté. Vous l'entendrez dans son journal, et la rivière de la Rusizi déborde toujours et inonde le quartier Gatumba. Nous sommes en province Bujumbura, dans la commune Mutimbuzi, occasionnant le déplacement massif de la population. Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page politique. Le président de la République appelle les politiciens qui battent campagne pour les élections de 2020, le 20 mai courant, au respect du code de conduite qu'ils ont signé. Cet appel a été lancé ce vendredi lors de la célébration de la journée internationale du travail des travailleurs en Ngozi. Pierre Ngurunziza a mis en garde les récalcitrants qu'une fois attrapés, ils seront traduits en justice. Suivez Pierre Ngurunziza, il est le président de la République, traduit en français par Richard Nyongur. Nous vous invitons à bien élire les leaders intelligents qui ont l'esprit du discernement. Je préviens les hommes politiques qui se méconduisent pendant cette période de campagne électorale. Je suis ravi de voir les représentants des partis politiques à travers le forum des partis politiques et le ministère de l'Intérieur signer le code de conduite ainsi que des sensibilisations à la bonne conduite de leurs membres. Nous les remercions que ce code de conduite signé soit mis en application. Les membres des partis politiques doivent surveiller sur ce dont leurs membres se sont convenus. Au cas contraire, pour les récalcitrants, une ligne rouge a été déjà tracée. Les autorités administratives doivent les arrêter et les traduire en justice pour des procès en flagrance. Nous veillerons sur cet homme politique qui viendra plaider pour lui. Personne n'est au-dessus de la loi. Les procès auront lieu et les décisions seront prises pour que le Burundi reste paisible. Nous ne voulons pas reculer. Dans cette même page politique, le candidat au présidentiel pour le compte du parti CNL promet aux habitants de la province Changhuzhou la construction des routes dans cette province qui en manque cruellement. Agathon Gwasa l'a dit ce samedi en commune Kigamba où il battait campagne. Ce candidat du parti CNL ayant exhorté les magistrats et les forces de l'ordre à briller pour leur impartialité. Rimou Mdende, correspondance. Depuis le début de la campagne, aux différents postes, ce sont les partis CNDD-FDD, Iprona, CNL, Sawanya Frodebu et Frodebu Nyakuri qui sont en compétition dans toute la province Changhuzhou. La population de Changhuzhou, de différentes catégories, demande aux futurs élus, aux différents postes et surtout au poste du président de construire les routes qui lient la province Changhuzhou avec la Tanzanie, surtout celles qui lient Changhuzhou à la Tanzanie en passant par la commune Mishiha sur la frontière Gahumo. Ce sont ces préoccupations de la population que l'honorable Agathon Gwasa, candidat au présidentiel au sein du parti CNL, a dit qu'il va s'occuper. Il a dit cela lorsqu'il était ce samedi en commune Kigamba. Agathon Gwasa a dit qu'il a vu lui-même ce problème de route et a promis de les construire, mais également de s'atteler au problème de la pauvreté, de la scolarisation, de la santé en province Changhuzhou comme dans tout le pays. Dans son discours en commune Kigamba, l'honorable Agathon Gwasa a fait un clin d'œil aux forces de l'ordre et aux magistrats qui se relouent de vrai briller par leur impartialité en cette période électorale. Et au moment où c'est Agathon Gwasa qui le premier est venu battre sa campagne au présidentiel en province de Changhuzhou, la population attaque d'autres candidats à son poste. Ces projets de développement mis en avant par le parti CNL, la plupart des partis politiques ici à Changhuzhou parlent également de ces projets dont la population attaque les mises en œuvre. Depuis Changhuzhou, Raymond Mdende, Radio Isanganiro. De Tchanguzo, rendons-nous au sud du pays où tous les chrétiens doivent participer dans les élections prochaines au Burundi, car les élections sont une affaire de tout citoyen. Monseigneur Salvatore Ninciteretse, évêque du diocèse catholique de Bururi, qui le dit, appelle avant tout au respect des droits de la personne humaine, au respect du verdict des urnes et la cohésion sociale, surtout chez les jeunes. Il a dit ce samedi au petit séminaire Saint-Paul de Bouta, commune province Bururi, lors des cérémonies commémorant le 23e anniversaire de l'assassinat dans cette école de 40 séminaristes martyrs de la fraternité. Suivez plutôt Monseigneur Salvatore Ninciteretse. L'élément n'est pas encore disponible. L'on continue avec cette actualité politique. L'activité de distribution des cartes d'électeurs va bon train en général en commune urbaine de Mukaza, mairie de Bujumbura. Dans certains centres de vote de cette commune, visités ce dimanche, les responsables de ces centres nous ont indiqué que les électeurs viennent au rythme relativement l'ont retiré leur carte d'électeur et qu'il reste encore un nombre non négligeable de cartes d'électeur à distribuer. Il lance un appel à ceux qui restent de se hâter d'aller récupérer leur carte d'électeur avant l'échéance. Écoutez à ce propos notre confrère Moutoul Armel qui a fait le tour de ce centre de distribution des cartes de vote. Dans certains centres de distribution de cartes d'électeurs que nous avons visités ce dimanche, en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, les gens viennent à compte-gouttes récupérer leurs cartes d'électeurs. À l'une de ces centres de l'école Stella Matutina, les activités vont bon train, même s'il existe des irrégularités de certaines personnes qui ne se retrouvent pas sur les listes. Fatou Omar, responsable de ce centre de l'école Stella Matutina, apprécie comment les activités se déroulent et relève que l'autre défi rencontré est de pouvoir servir ceux qui se présentent sans carte d'identité et sans l'ancienne carte d'électeur. Obed Ilanghunda, responsable du centre de distribution des cartes d'électeurs à l'école Athénée primaire, nous a indiqué lui aussi que l'activité se déroule sans incident majeur et a fait un appel à ceux qui n'ont pas encore récupéré leur carte de le faire dans les meilleurs délais avant que la période accordée par la CENI n'expire. La période fixée par la CENI pour l'activité de distribution des cartes d'électeurs a débuté le jeudi 30 avril et va se terminer ce lundi 4 mai 2020. De Bujumbura, rendons-nous à Mwaro où 29 adeptes de Zebi Ngendakumana sont hébergés dès ce samedi au village de Gihinga, situé en commune Kayokwe de la province Mwaro. Ils sont composés de 9 hommes adultes, 10 femmes et le reste étant des jeunes filles et garçons. Donatien Ni Magalité, conseiller économique du gouverneur de la province Mwaro, dit qu'ils sont arrivés à cet endroit en provenance de Gitega où ils étaient rassemblés après qu'ils étaient arrivés à partir de Rumonge. Il précise que ces gens sont pris en charge par l'administration. Par après, ils vont être acheminés dans leurs ménages respectifs. Les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province de Bujumbura, continuent à fuir leurs ménages suite aux inondations causées par la rivière Rusizi qui a débordé le vase. L'administrateur communal de Mutimbuzi confirme que les eaux de la Rusizi continuent à inonder et que l'administration est en train de déplacer la population sinistrée. L'administrateur Siméon Boutoyi remercie ceux qui ont déjà assisté à cette population en détresse. On l'écoute. L'état des lieux aujourd'hui est que les eaux provenant du débordement de la rivière Rusizi continuent à attaquer vos ménages. Actuellement, beaucoup de gens continuent à fuir leurs ménages, se regroupant surtout dans la rue, dans la route principale de Gatumba. Après les premières inondations, nous avions déjà enregistré presque 10 ménages constitués par 27 000 personnes. Actuellement, à cause de la progression de l'inondation, qui continue à attaquer de nouveaux ménages, on ne peut pas exactement l'effectif des des gens qui viennent de quitter leur ménage. On continue à déplacer les gens tout en faisant les identifications, mais on n'a pas encore terminé. Les gens sont regroupés au site de Kigaramango, dans la zone de Lukaramu. D'autres, hier, nous avons eu des camions en provenance de la police nationale. Hier, ils nous ont aidés à transporter certains gens vers le site de Maranvia, dans le site appelé Sober à Maranvia. Ils ont commencé à bénéficier des assistances. Premièrement, nous avons eu des assistances en provenance du ministère de la Solidarité. Il y a également d'autres gens de ses partenaires qui ont commencé à nous appuyer. Rendons-nous, Dogatumba, rendons-nous à Muyinga où la distribution des cartes d'électeurs se poursuivait dans cette province. Les autorités sur place se disent satisfaits de l'affluence de la population qui vient récupérer ces cartes d'électeurs. De Muyinga, correspondance de Dieudonné Nziman. Les différents centres d'enrôlement des électeurs servent aussi de centres de distribution des cartes d'électeurs. Au bureau de l'école islamique de Muyinga ou au lycée communal de Muyinga, les électeurs viennent à compte-gouttes récupérer ce document. Pourtant, la période prévue pour le retrait de ces cartes expire le 4 mai. Gorette Kamaliza, présidente de la commission électorale indépendante de Muyinga, invite les administratifs à continuer la mobilisation pour que toutes les cartes soient retirées. En commune de Muyinga, une des entités avec un gras électoral avec plus de 90 000 électeurs, au troisième jour de retrait, seulement 57% de citoyens avaient leurs cartes à main, soit plus de 30 000 cartes qui restent à retirer. D'après la présidente de l'ACP Muyinga, les responsables des partis politiques en campagne devraient aussi inviter leurs militants à d'abord retirer ce document qui leur confère le droit d'exprimer leur choix. Il y a des communes où l'on a enregistré déjà plus de 70% de cartes retirées au troisième jour. C'est le cas de la commune Buhinyuza. Muyinga, Dieudonné Nziman, Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nziman. Dernier dossier de ce journal. Il se manifeste ces derniers jours un phénomène de renvoi des déchets jadis déversés dans le lac Tanganyika vers certaines plages de ce lac. L'expert en ingénierie de l'eau et de l'aménagement du territoire explique que ce phénomène est lié à la différence de la densité des matières déversées dans le lac et la stratification du lac. Gustave Ngurunziza propose qu'il soit mis en place une technique de valorisation et de recyclage des déchets comme remède pour la protection du lac Tanganyika. Écoutez Gustave Ngurunziza. Et ce phénomène peut être expliqué facilement par la stratification du lac. Et il y a des parties en fonction de la température, en fonction du brassage des eaux, en fonction de la quantité d'oxygène qui se trouve dans les eaux. Les eaux superficielles sont directement en contact avec l'atmosphère et donc sont riches en oxygène. Mais plus on descend, plus la quantité d'oxygène est diminuée et plus la température aussi peut diminuer jusqu'au fond du lac. Et notez que dans cette région, il y a des mouvements de vent qui peuvent souffler du sud vers le nord ou du nord vers le sud. Et lorsque le vent souffle, le vent déplace les eaux superficielles vers un endroit et ces eaux peuvent revenir. Et en déplaçant ces eaux, ça peut entraîner le renvoi des substances qui se trouveraient un peu au fond, dans la deuxième partie du lac. Et ce qui peut rejeter évidemment ces matières au niveau des plages. Ceci peut être aussi expliqué par la différence des densités qui peut avoir lieu lorsque ces phénomènes se produisent. La transition de climat peut certes provoquer le recul du lac, mais le phénomène ne va pas être très spontané comme on le pense. Pourquoi ? Parce que le cycle de l'eau ne concerne pas seulement la plaine du lac Tanganyika. C'est un cycle qui est global. Le recul sera un phénomène plus ou moins lent. Et donc, il ne faut pas croire que ce phénomène sera spontané parce qu'on va bientôt commencer la saison sèche. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Elika Dogo pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Bonne journée dominicale à toutes et à tous.